Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est... Eh ben, c'est de la merde! Mais c'est de la merde! Bonsoir et bienvenue dans le Riff Machine. Pour ce premier épisode, je suis accompagné de Panda. Comment ça va, Panda? Ça te regarde pas. Parfait. Nelson. Salut Nelson, ça va très bien. Nelson. Et avec nous, Théo Négative. Comment ça va? Théo Négative. Théo Négative. Ouais, ça va super. Ça va ce soir? Super bien. Super bien. Bon, c'est moi c'est Romain bon. Et ce soir on dévale les grandes étendues du Vinland pour rejoindre le géant vert et s'ouvrir une bouteille de vin, entouré de la copine de sa copine. Bref, on va parler de Typo Négative. Donc, première rencontre avec Typo Négatif, qui veut commencer? Moi je veux bien, alors moi c'est Nelson. Hein, alors Nelson, vas-y, continue. Alors moi, commence. Je pense que c'était Black Number One dans les milieux des années 90. Mais c'est surtout la BO de Souvent à l'été dernier, premier, hein, le premier opus, hein, où il y avait la chanson Summer Breeze, une reprise de Seeds and Craft. Ouais, qui est en ouverture voilà. Du film aussi, qu'on retrouve sur la BO. Et t'as noté à ce moment-là que c'était typo, genre, je veux dire, t'as écouté et t'as fait, waouh, ouais, c'est cool, faut que bah, j'avais la BO, moi. Ah, t'avais le CD. En fait, le CD, donc j'avais des titres. Moi, j'ai découvert Typo Négatif parce qu'en fait, c'était une copine à moi qui voulait les voir au Hellfest. Le premier où je suis allé en 2007, et je pense que c'est le seul qu'ils ont fait. That's good fucking luck. Et on s'est retrouvé devant Typo Négatif, devant ce concert, et moi, bon, ben, Typo Négatif, en vrai, à cette époque-là, j'en avais rien à cirer. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le death metal et le thrash metal. Bah, moi, le truc, la différence, c'est que moi, on me l'avait prêté à l'époque, mais enfin, quand je dis à l'époque, c'était plutôt quand Octobre 1 c'était sorti, on m'avait prêté Bloody Kisses. Oui. En CD, j'avais pas du tout aimé, j'avais trouvé ça un peu, je sais pas complexe, mais les morceaux étaient très très longs, c'était, t'as beaucoup d'interludes, etc. Ça, l'ambiance un peu gosse, ça te parlait pas trop. Ça me parlait moins. Qu'est-ce que t'écoutais à l'époque? J'écoutais Marilyn Manson, essentiellement. J'étais très très fan de Marilyn Manson, un petit peu de Korn, etc. Du Fear Factory aussi, enfin Def Leppard après des vieux trucs de hard rock, etc. Mais ouais. Enfin, c'est le truc le plus goth que j'avais écouté. D'accord. À l'époque, même si Manson était considéré comme du goth, mais ça c'était vraiment le truc le plus goth que j'avais écouté, quoi. Bah, et après ça rejoint Nelson où je me suis remis dessus un petit peu, et c'est toujours un groupe que j'ai suivi de loin, mais je me suis toujours intéressé à cause de la figure de Peter Steele qui était toujours hyper intéressante, que ce soit dans les interviews, enfin, les frasques, etc. France, ouais. Mais j'ai toujours suivi, écouté, il y a toujours des morceaux que j'ai bien kiffé, mais voilà, ça n'a jamais été mon groupe préféré, mais il y a toujours quelque chose qui m'a attiré dedans en tout cas. Ouais, moi en fait c'est Aubervilliers surtout que j'ai, j'ai surtout écouté, quoi, parce que je connaissais un petit peu de nom. J'avais déjà écouté quelques morceaux, et moi à cette époque j'écoutais déjà du Paradise Lost ou du Anathema, donc ça s'approche un petit peu de l'univers, ouais. Quoi, tu vois. Mais, ouais, mais en fait. Attends, justement, on les a souvent mis d'ailleurs dans le même. Bah ouais, même c'est. Truc, hein. Après, ils ont fait tourner ensemble, histoire, et il y a même une interview où c'est. C'est un peu la casse doom goth. Ouais, mais malgré tout, en fait, je m'étais jamais intéressé en fait à Typo finalement, quoi. J'avais déjà écouté les morceaux et tout, quoi, mais je sais pas, j'ai pas essayé de creuser. Et bah, d'ailleurs, je suis content d'être là. Et d'avoir fait un petit peu mes devoirs, et d'avoir écouté la discographie de Type. My name is Peter Steele, and I do nothing. Donc on va commencer directement avec le premier groupe de Peter Steele, en 79, avec le groupe Fallout, qu'il a fondé avec Josh Silver, qui sera plus tard le clavieriste de Typo Négative. J'ai pas écouté. T'as pas écouté? Pas Fallout, j'ai pas écouté. Alors il y a qu'un seul morceau qui est disponible, sur YouTube, qui s'appelle... qui s'appelle Rock Hard, qui est du hard rock. Qui a donné le nom à un magazine, non, c'est ça Même à un courant musical, quasiment. C'est les mecs, ils ont trop d'influence. Ah, on le savait pas, c'était là. Et donc il y a deux versions. D'après, Black Metal était très bon. C'est pas mal aussi. On se tape les conneries. Mais du coup, ça j'aime bien aussi leur chanson dans les années 50 qui s'appelle Soul Music. Qui ça, s'appelle, c'est une longue blague. Allez, c'est une blague. Cette blague est beaucoup trop longue. Non, mais du on verra plus tard sur le résumé du blues. À quoi ça ressemble Fallout? Alors, ça ressemble. Toi qui as bien écouté. Il y a qu'un seul morceau, donc c'est pas très... Ouais, mais tu l'as bien écouté. J'ai très très bien écouté, parce que j'ai écouté au casque. Wow. Et bon, c'est vraiment pour dire, c'est vraiment du hard rock, vraiment très basique, etc. Il y a vraiment sur l'embryon de ce que va être la carrière de Peter Steele, avec surtout Type O Négative. Mais voilà, pour le coup, ça reste vraiment du hard rock très très simple. Ça parle déjà de gonzesse, ça parle déjà un petit peu du mec un peu déçu par les filles, etc. Et c'était en 79. C'était en 79. Avec son pote Josh Silver. Avec Josh Silver, oui. Qui est clavieriste après. Il est né quand, Peter? 62, je crois. 62. Ah ouais, 62. Ouais, d'accord. Donc il est 62. D'origine polonaise. Comme Josh, d'ailleurs. Par la suite, il va fonder en 82 Carnivore. Alors, chez Carnivore, il y a des gens qui ont écouté. Oui, monsieur. Un petit peu. Alors, est-ce que vous pouvez me dire 2-3 mots dessus? Même plus, si vous en voulez. Un mot plus long, peut-être? Peut-être un mot plus très long. Ouais. Beaucoup plus long. Je vais vomir si je fais ça. Voilà. Alors, Carnivore, tu sens bien, en fait, il y a la grosse influence du Bronx et puis du hardcore, quoi. Ça pue le trash hardcore, quoi. Et il y a rien du tout qui donnait l'impression que ça allait évoluer par la suite en espèce de doom mélodique. Déjà dans l'imagerie, oui. C'était habillé un peu Mad Max, mélangé avec du Manowar un peu, tu vois. Ils se cherchaient un peu, on peut dire, quelque part. Mais les slits, les haches, ouais, tout ça. Mais je crois que musicalement, ils avaient déjà trouvé quelque chose de sympa, non? Enfin, on est d'accord que Carnivore, c'est quand même des... Enfin, c'est pas pour rien que cette année, du coup, apparemment, vous me disiez qu'ils repassent au Hellfest. Exactement, bon, alors, ils sont voilà. Ouais. Parce que spoiler, il est mort. Et on arrête. Je l'ai gardé pour la fin, normalement. Mais... Non, mais du coup, ouais, non, c'est quand même des albums qui s'écoutent vraiment avec plaisir aujourd'hui. Enfin, je sais pas, moi j'y range dans la case. J'ai appris par la suite qu'il avait fait Carnivore pour moi. Ouais, moi j'ai connu après aussi, mais en fait aujourd'hui quand j'écoute ça, c'est quand j'ai envie d'écouter DRI ou Suicidal Tendencies ou. Bah, c'est très. Ou SOD aussi. Voilà, ce genre-là, tu sens qu'ils font vraiment quelque chose de comme ça. Et le premier album de Carnivore, c'est quand même en 85. En 85, on est quand même assez... Bon, il se passe beaucoup de choses en métal, mais il faut quand même dire qu'il y a des... On est en plein dans la période... Ouais, on est en plein dans la période... Faut jouer super vite. Purple and Trash, jouer très vite, très fort. 85, Hello Waits en même temps. Et hop, je le place. Allez, on place un petit Slayer, ça fait toujours plaisir. Donc ils ont sorti deux albums avec ce groupe Carnivore, donc en 85 et en 87. Le deuxième qui sera donc le dernier. Dans la foulée, Peter Steele va fonder le groupe Sub-Zero avec ses amis d'enfance. Par la suite, il va changer de nom. Et pourquoi Panda? Parce que tu as une anecdote dessus. Ah bah ouais, en fait, il y a Peter Steele qui a maté une annonce, en fait, une banque de sang, qui était prêt à débourser une sacrée somme, en fait, pour le groupe sanguin. Type O Négatif, t'as le droit de le dire maintenant. Ça a fait marrer. Et puis ils sont appelés comme ça, quoi. Parce qu'ils étaient tous déjà tatoués un peu ce truc-là, enfin il y a un truc quand même... Il avait toujours une envie, enfin il ressentait quelque chose avec ce... Ouais. C'était avec le symbole, en fait. Le symbole avec le rond, avec le moins à l'intérieur. Il y avait une attirance là-dessus qui lui trottait dans la tête depuis des années, ouais. Please buy our product. Moi, ce que je voulais dire avec ça, avec cette histoire de Sub-Zero, ce qui est intéressant, en fait, c'est que déjà, en fait, il joue avec quasiment tous les membres avec lesquels il va jouer le reste de sa vie. Et avec ils ont déjà le même délire. Donc ça prouve que déjà, en fait, le délire, enfin, l'esprit Type O Négatif est déjà là. Bon, c'est quelque chose qui se vérifiera par la suite. Là, on va arriver au premier album. Ah. Premier album qui sort en 91, Slow, Deep and Hard. Qui pourrait être la définition du doom, hein, concrètement. Concrètement. Alors, en tout cas, une destination vers laquelle aller, vers laquelle va le doom. Une forme de doom, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet album? Grosse saut de goût. Qui est quand même Bah, c'est bien non, de la merde. D'accord, non, tu peux le lire. Non, c'est pour parler de la pochette déjà. C'est quoi, ça cause la pochette déjà? C'est pas une sodomie, c'est une pénétration. Non, c'est pas une sodomie. Le style n'est pas encore là. Quand je vous regarde dans les yeux, encore là, mais. Attends, Ryan. Le style n'est pas encore là parce qu'il y a plein d'influences punk, presque trash. Mais les chansons sont longues, la première dure 12 minutes et quelques. On sent qu'il y a une volonté d'étirer un peu les riffs. On n'est pas dans l'efficacité directe. Hein. Théo, un truc à rajouter sur le. Non, c'est juste qu'à mon avis, je pense que si à l'époque t'étais vraiment fan de métal et que ça sortait, je pense que forcément tu le notais quoi. Enfin, je sais pas à quel point les. Enfin, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que à mon avis, en tout cas, c'est vraiment unique et c'est. Bon, alors après, ça s'affine un peu plus. Mais déjà, avec Slow Deep On Arm, moi je trouve, en tout cas, quand je l'ai écouté, que vraiment ça. Bah, c'est ce genre d'album qui vieillissent peu. En fait, parce qu'ils ont déjà tellement quelque chose à dire, même alors que c'est le premier album du groupe. Moi, après, je l'écoutais bien plus tard que les autres. October Rose, Blood Kisses et compagnie. Donc, je suis revenu au premier album. Pour moi, ça n'avait pas du tout chanté qu'il y avait des petits passages, ce qui allait donner le type de négatif que je connaissais. Sur le coup, j'ai pas forcément. Mais là, je crois que c'est drôle. Instant tout pensé, je veux que ça sorte là. Non mais là, il va monter. C'est slow, deep and hard. Ça va venir. Ça s'applique à tellement de choses. Il y a tellement de trucs. Non mais évidemment, bien sûr. Il y a ce morceau Der Untermensch qui veut dire le sous-homme. Les sous-hommes, il y a quelqu'un qui a fait allemand levé un ici. Non, même pas. Non, j'ai fait d'accord. J'ai fait passion Seconde Guerre mondiale. Ah, ouais, c'est pas pareil. D'ailleurs, tu animes un podcast d'ailleurs. Exactement, sur la Seconde Guerre mondiale. Le podcast final. Oulala. Et pourtant, on n'a pas de vin blanc. On a fait ce qu'on pouvait. Non, Der Untermensch, du coup, forcément, c'est un titre un petit peu. Un petit peu évocateur parce que c'est les nazis qui parlaient des sous-hommes comme les Untermensch. On peut parler de Nietzsche. Voilà, c'est ça, je pense Nietzsche aussi, tout ça, mais bon, bref, ça en général, c'est la mauvaise presse ce genre de terme parce que ça rappelle des heures sombres de l'histoire allemande. Voilà, c'est ça. Mais par rapport à une interview, c'est ça, Peter Steele avait évoqué cette chanson dans une interview allemande. En fait, on lui avait posé une question, alors justement, Panda, on va mettre ça en parallèle parce que toi, tu avais une autre information, c'était que, en fait, il avait fait une interview en Allemagne. Et donc on lui a posé la question de savoir comment est-ce qu'il voulait que son groupe soit connu. Il a voulu faire une référence à John Lennon, qui avait dit à l'époque aux États-Unis qu'il voulait que les Beatles soient plus connus, étaient plus connus que Jésus. Il a dit que c'était le cas. Et que c'était les cas, Beatles d'ailleurs. Sont plus connus que le Christ. Les Beatles sont plus connus que le Christ. Et Peter Steele avait dit « Moi, je voudrais que mon groupe soit plus connu que Hitler. » La phrase que tu peux regretter face à la presse, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Alors lui, il avait plus ou moins... pas accusé le coup, mais il avait dit oui, mais c'était une mauvaise traduction, il avait pas compris, etc. J'ai dit Hitler. Voilà, mais t'as quand même dit Hitler, ça se traduit quand même difficilement. Il a dit quoi? Himmler. Non, oulala. Ouais, c'est bon, ils ont gagné, ils sont plus connus. Il a dit, il a fait une référence nazie qui forcément a donné mauvaise presse au groupe. Bon, là, t'avais une autre histoire aussi. Ouais, j'avais lu. Collectionnais aussi des. Voilà, des. Non, pas des armes, c'est simplement des objets de collection de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ça additionné avec l'autre, peut-être que ça a justement créé toute la polémique qu'il y a eu autour d'eux. En même temps, ça s'appelle le revers de la médaille. Sans jeu de mots, j'ai même pas fait exprès. Voilà, pour parce qu'en fait, justement, avec ce premier album, ils ont commencé à percer et à être très connus. Quoi. Donc, dès le début, c'est un succès, c'est ça aussi. C'est un succès. Il y avait la provoque, de toute façon, ça leur faisait aussi du bien pour faire connaître le groupe aussi, donc c'était pas. Oui, mais je pense que c'est pas de la preuve voulue. Je pense que ça les faisait marrer en fait, parce que ça fait chier un peu du monde, etc. En revanche, tu peux pas dire qu'après ils se sont pas servis de ce genre de petits coups scandale, même des tout petits, même juste en exploitant les trucs qu'ils ont fait sans faire exprès. Franchement, c'est difficile de dire. Moi, je pense que Peter Steele, il prévoit pas ce genre de coup-là. Non, bien sûr, mais par contre, c'est vrai que ça lui, en tout cas, on peut le penser, c'est ça que je veux dire. Quoi. Oui, bien sûr, mais après, ça lui pèse parce qu'après, il fait des chansons après dessus. On en parlera plus tard pour un autre album, mais. En tout cas, oui, c'est quelque chose. En tout cas, ça le fait. Je sens que ça le fait chier parce que je pense que dans sa tête, ça le concerne. Il y a autre chose aussi à dire là-dessus. J'avais zappé cette anecdote. En fait, c'est les accusés de nazisme. En fait, c'est assez cocasse finalement parce qu'en fait, le claviériste Josh Silver est d'origine juive d'ailleurs. Enfin, il est juif, quoi. Ouais. Il est juif. Et il y a autre chose aussi, c'est que pendant cette espèce de premier massacre médiatique, il a été taxé de misogynie, parce que bon, bah, la plupart de ses textes parlent de dominance sexuelle de la part de l'homme, etc. Et il ouais, faut ouais, savoir que Peter Steele a été élevé avec 5 sœurs, quoi. Voilà, oui, exact. 5 frangines, donc il est élevé qu'avec des nanas, quoi. Bon, bah, ça n'empêche pas de devenir misogyne, hein, c'est non, sûr. Je pense pas. Mais quand même. On lui donnait beaucoup aux filles, hein, aux femmes. Ouais, aux femmes, ouais. Et aux filles aussi. Aux filles, certainement aussi. Ouais, hein, une chanson qui s'appelle 14, quand même. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Oui, c'est l'intro de la fiscalité. Mais il n'y a pas eu trop d'histoires comme ça. Non, non. De toute façon, c'est trop tard. Bah, balance ton Peter, non, ça balance hashtag balance c'est Peter. Trop tard, là, c'est déjà, c'est trop tard. Bah, voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet album. À part si vous avez. Enfin, le tour de cet album. Ceux qui le connaissent bien, comme vous deux, vous n'avez pas vraiment dit, je sais pas. Vous l'avez peut-être, enfin, tout comme Nelson, tu l'as peut-être toi aussi, Romain, écouté après. J'ai écouté beaucoup plus tard, hein, donc, ouais. et c'est vrai que j'ai retrouvé. Enfin, après avoir découvert ceux d'après, voilà, alors, ceux d'après, les grands albums. Les gros albums, et voilà, c'est vrai que bon, bah, je trouve que, ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un album qui vit pas trop, quoi. Tu peux redécouvrir encore aujourd'hui, ça passe toujours si t'as une bonne culture métal. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est un truc que j'aurais peut-être pas. À l'époque où il est sorti, je pense qu'on n'aurait pas été. Je pense pas que j'aurais été. Moi, j'avais 9 ans à l'époque, donc je pense pas que c'était quelque chose que j'aurais vraiment. Enfin, c'est pas une musique auquel j'aurais adhéré. Quoi. Ouais. On va passer au deuxième album. Alors, deuxième album. Cette bonne blague. Cette bonne blague. Alors, c'est pas un album de Origin of Feces. C'est une super pochette déjà. C'est, ouais, ça super. Alors, et c'était en réponse justement à tout ce qui s'était passé. Ça a été imprimé comme ça. Oui, elle a été imprimée tout de même. Ouais. Donc, bah alors, faut quand même qu'on décrive la pochette aux auditeurs. Alors, attends. L'album sort en 92, s'appelle The Origins of Feces. Donc, l'origine des excréments. F-E-C-E-S. Pour les gens qui ne comprennent pas l'accent anglais. Donc, cette pochette. Oui, alors merci parce que mon anglais est très. J'ai rien dit. Merci de me le rappeler. Cette pochette, à quoi elle ressemble? Bah, t'as déjà vu un cul dans un miroir ou juste comme je ça t'avoue que je regarde. Alors pas si comme panda, t'as écarté tes fesses si et t'as regardé dans un miroir pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et ben voilà, c'est pas ce que tu vas voir avec un filtre vert. Ah, voilà. Vous êtes pas curieux. On a vu le cul de Peter avant de voir son membre. On a vu le devant et le derrière, mais on a commencé par le derrière. On a commencé par le derrière. Bon, ça a été censuré du coup. Bon, voilà. Remplacé par une danse macabre. Bon, c'est quoi cet album exactement? Qu'est-ce que c'est? C'est un faux live. Un faux live. Non, c'est dans un studio surtout. Non, mais ouais, il avait titré. Il avait donné un nom comme ça. Enfin bref. Donc, c'est un faux live où t'as la plupart des gens qui sont pas contents en fait d'être à leur concert et qui passent leur temps à les insulter, à les huer quoi. Et puis bah ils leur rendent bien. Même si tout ça c'est monté. Hein, de dès que le concert est fini, ils kiffent parce que c'est fini justement. Mais du coup c'est super intéressant, vous pensez à quel point vous pensez que c'est des, enfin on est d'accord c'est un faux live, mais ça veut dire quoi un faux live? Ça veut dire qu'ils ont invité des gens, ils ont enregistré, ils ont rajouté des sons de gens de concert. Voilà, c'est ça. Mais alors du coup tu dis c'est des gens vénères et tout. Ouais, c'est genre t'entends tout le temps des trucs comme ça. Fuck off. Bon, et alors là, grande question, c'est pourquoi après avoir sorti un premier album justement où on se fait bien connaître, etc., on sort un deuxième album qui est un faux live, et en plus c'est que les chansons du premier album, il n'y en a pas plus, c'est ça? Mais oui, c'est ça, il n'y en a pas plus. Il y a une reprise supplémentaire, voilà, c'est ça. Ouais. Et encore, il y a ça qui est sorti après, t'avais une version de Paranoid. Et après, en fait, c'est en gros leur première chanson, mais ultra saturée, quoi, tu vois. Ouais, le son, il est quand même bien chanté. Et c'est cool aussi, hein, comme album, en plus, à l'écouter, parce que c'est l'aspect plus gros, en fait, que le premier. Peter Steele voulait avoir une seconde chance pour refaire l'album parce qu'il avait eu d'autres idées entre temps, donc ça lui permettait de peaufiner un peu les compos du premier finalement. D'accord. Mais j'étais pas mécontent de le faire, mais c'était Roadrunner qui. Oui, voilà, on est quand même d'accord que le demandait un album avant de le quitter, donc on va parler par la suite. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment. Ça te montre l'âme du groupe, quoi. C'est les mecs qui sont pleins d'autodérision. Ouais, ils en ont rien à foutre de ce. Ils s'en foutent un petit peu de ce qu'on pense d'eux. Ouais, ils sont déjà dans la blague, quoi. Ouais, c'est des blagueurs. Ils sont drôles. Oh, c'est des blagueurs. Ils sont drôles. Voilà, ils parlent de trucs très, très, très sombres. Ils sont quand même marrants, hein. Hey, eat shit, you fat bastards. On passe à Bloody Kisses, je Bloody crois. Bloody Kisses, l'année suivante, en 93. Alors là... Un gros pavé, hein, surtout pour Roadrunner. Hein, ah oui, alors là, on est sur le disque d'or de Roadrunner. Premier disque de platine de Roadrunner. Imagine, bah, or d'abord, mais platine ensuite, mais c'est... Non, platine, ouais. Ouais, mais peut-être que d'autres sont passés entre-temps, mais... premier disque de platine aussi de Roadrunner par la suite, et... Mais pour le coup, c'est vraiment l'album qui marque vraiment le style... Typo voilà, négatif. On n'y est pas encore tout à fait. C'est vraiment les. On est encore au balbutiement, mais tu sens en fait l'évolution quoi. C'est vrai, mais ça commence à être un peu dans le goth, avec la pochette. Ça. Ouais, je sais pas, pour moi c'est. Enfin, pour moi c'est tous les pavés qui suivent après. Bon, encore une fois, je suis pas le plus connaisseur d'entre nous. Mais moi non plus. Tous les pavés qui suivent après, il y a une cohérence qui fait que. Évidemment, là pour le coup, pour moi ça ressemble plus au reste que Slow Deep and Hard qui a posé un machin et là après ça se développe. Mais bon, là, je rentre dans les détails. Qui pose l'identité de Taipo, en fait. Les claviers, les refrains, où la production n'est pas la même, du coup, c'est plus... Et les refrains très aériens aussi. En fait, voilà. C'est là-dessus, déjà, carrément, c'est là-dessus, on se pose la voix. C'est polyvalent, en fait. Même dans les chansons, ça commence à avoir cette espèce de petite composition, un tiroir un peu bizarre. Et le son de la guitare aussi, qui devient beaucoup plus lourd, maintenant. C'est un grade, putain, hyper... C'est carrément mieux produit. Très Sabbath en fait finalement, mais enfin déjà moi je trouve enfin vraiment le son Sabbath où c'est la guitare qui écrase tout et la basse souvent et la basse évidemment c'est ça exactement et garde un son un peu parfait raw quoi ouais, carrément, ouais. Et, bien brut comme il faut et en fait ce qui va ressortir hein, par rapport aux deux précédents albums c'est qu'il y a une véritable atmosphère qui est créée par le claviériste quoi et là tu la sens beaucoup plus présente. Et il y a aussi, j'ai plus le terme technique, bordel, les transitions en fait, ouais. Qui passent du trash hardcore à un double mélodique et sensuel, qui sont un peu plus travaillées. C'est alors qu'avant c'était. Typo, il y a avant c'était tout doux, mais. Oui, bah, avant, c'est, sur les deux premiers albums en fait, c'était beaucoup plus brutal quoi. T'avais l'impression que t'avais deux parties dans une chanson. Et là, c'est amené tout doucement, ça t'entraîne là-dedans, ça te fait danser. C'est quand même très dansant quoi, il y a quand même des rythmes, vraiment c'est très lourd, il y a un mid-tempo qui n'existait pas dans le premier album. La sensation émotionnelle, Taipo, parce qu'on a envie de se taper, parce qu'il y a un passage punk, après ça va être lancinant, ça va être mignon, on a envie de voir un petit peu. Exactement, c'est exactement. Oui, c'est la première sur première. Bah, quand t'écoutes Christian Woman, t'as envie de dandiner quoi, merci, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, et puis il y en a d'autres qui sont planqués après. Moi, il y en a une que j'ai trop kiffé qui s'appelle Blood on Fire. Et ouais. Celle-là, c'est vraiment. Elle a. Enfin, je trouve que c'est une chanson qui fait presque. Enfin, elle est construite comme une chanson de punk. Vraiment, comme enfin, punk rock. Ouais, de base un peu. Ouais, vraiment, une chanson de punk rock de base. Mais il y a un son de gratte tellement lourd en fait qu'à aucun moment ça te fait penser à Offspring ou à Green Day. En fait. Heureusement. Ouais, non, mais heureusement, je sais, mais en fait, quand tu y penses, ça serait joué. Ça serait joué chez toi avec ta stack de merde et ton Jim Harley, ton ampli de Jim Harley, bah ça ressemblera à du Offspring ou du Green Day, mec. Ouais, le même riff. Et voilà, en plus, t'as le chant super apaisé par-dessus qui fait qu'il n'y a aucun. Parce que comme tu disais, c'est du double sensuel, quoi. Ouais. C'est ça un petit peu. Ouais, plus que Metal God, c'est double sensuel, c'est plus ça. Et on y est déjà, quoi. Ouais. Et puis aussi, y a dans cet album, il y a quand même deux morceaux. Qui sont des chansons réponses aux accusations, qui sont Kill All the White People et We Hate Everyone, qui sont des morceaux beaucoup qui tranchent carrément avec le style de l'album, qui sont beaucoup plus punk hardcore, reprend justement le style du premier album. Tu sens que dès que Peter Steele a envie de répondre à une accusation, direct il va répondre par le punk hardcore. Bah, des morceaux beaucoup plus courts et beaucoup plus vénères. Il est parvenu par rapport à ses accusations, il est parvenu dans d'autres albums. Non, c'est vraiment à ce moment-là où il l'a fait. Et c'est là qu'il y a la grosse voix de Peter Steele qui ressort à balle. Quoi. Ouais, c'est là on la met c'est à la grosse voix ouais, sueur. Ouais, là, ah, bah ça en a fait mouiller des culottes. Hein. Ah, tu m'étonnes. Et même des caleçons, sûrement. Et moi, je vous parlais de Black Sabbath. Et donc, quand vous m'avez dit que vous vouliez faire le truc sur Taipo Négative, un des premiers trucs que vous m'avez dit sur Taipo Négative, c'est que c'était un groupe qui était influencé à la fois par les Beatles et Black Sabbath. Et c'est vrai qu'en fait, il y a une chanson dans cet album où je trouve que ça s'entend trop, c'est Can't Lose You, où t'as de la sitar. Ouais, oui, et tu t'attends pas du tout. Ils vont utiliser ça un peu plus tard. Voilà, c'est ça, ils vont utiliser plus tard encore, mais là, tu t'attends pas du tout. Du coup, ça te fait penser un peu à Norwegian Wood, vite fait et tout. Et d'un côté, il y a des riffs hyper lancinants qui te font trop penser. Et puis ce son de gratte, quoi. Ce son de gratte qui est plus Black Sabbath que Beatles, évidemment. Et puis les chœurs, la voix de crooner apaisée. Bref. Tout le reste que t'as dit, c'est de la merde. Donc Bloody Kisses, hein, donc là, c'est de la merde. C'est de la merde. L'année suivante, Peter Steele nous offre October Rust. Avant October Rust, qu'est-ce qu'il fait, Peter Steele? Il va voir Playgirl et puis il prend une photo de son zizi. Exactement. Playboy, en fait. Non, Playgirl. C'est Playgirl. Mais c'est quoi ce rider de merde? C'est marqué Playboy sur ton rider. Alors, parce que, en fait, je pense que c'est le correcteur automatique. Ouais, c'est ça. Bon, il connaît bien un Playgirl alors. Playboy, mais pas Playgirl. Bon, je connais pas, moi aussi. En 95, Playgirl. Une photo de son. Et c'est ça que j'ai mis Playboy. Et donc on Playgirl, lui rappelle souvent en interview d'ailleurs. Donc Playgirl, c'est Playboy, mais pour les meufs. Enfin, normalement quoi, alors, parce que pour la petite histoire, il y a 30%. 23%. 23%, ah, d'accord. 23% des lectrices, enfin des lecteurs sont des lectrices. D'accord, voilà. En gros, il y a 77%, c'est ça? Ouais. Bravo Panda, le podcast des mathématiques. Oui, mais j'ai une pente dans la gueule, je sais plus forcément bien compter. Donc 77% qui sont des hommes. Et donc, qui se paluchent devant ce magazine, certainement. Devant ce magazine, certainement. Tu crois? Du coup, c'est un peu la question. Il y avait une photo quand même. Il y avait une interview. Pas bien de se palucher devant Playgirl. Oui. Bien sûr, mais je crois qu'il y avait une interview, je crois qu'il disait, oui, quand vous faites signer vos magazines, s'il vous plaît, arrêtez de coller les pages. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, il a dit ça. Oui. Avant de me le donner, arrêtez de me le donner tout, avec les pages. Alors, il y a aussi une autre anecdote, c'est Josh Silver qui l'a dit plus tard, parce qu'il a regretté quand même cette séance photo. Il a dit, ouais, bon, ça fait quand même pas mal de mal à Type Négatif, mais bon, en même temps, ça nous a fait gagner d'autres fans. Mais dis-moi, ça me ferait chier quand même d'être en concert avec des gens qui agitent ma bite en photo. Et me la jeter sur scène, quoi. Moi je la vois déjà suffisamment tous les matins, donc c'est pas pour qu'on me la jette à la gueule, tu vois. Moi j'ai pas cette chance là vu que je suis myope. Et. Non, on t'enverra les photos. Ah, mais apparemment il y a des fans, ils ont pas du tout kiffé ce truc là. Ouais, il y a beaucoup de fans qui ont pas kiffé ça. La merde, le mec qui fait ça. Ouais, il fait ça. Surtout que j'ai l'impression qu'il l'a fait vraiment de façon très naïve en fait, quoi. Il a fait genre, ouais, c'est bon, je vais faire mater par des meufs, tu vois. Mais arrête, toi t'es trop fan de Peter Steele, il savait très bien ce qu'il faisait, c'est comme pour la polémique. Moi je comprends la naïveté de Peter Steele. On lui pose la question à chaque fois, il répond très poliment, il est pas. Bien sûr, mais ça fait de la bonne pub. Ouais, c'est vrai que ce mot, c'est peut-être un gros mot. Au moins, le mot pub, c'est peut-être un gros mot, mais niveau marketing, ils ont quand même déjà tout compris. Non, alors par contre, je voudrais que quelqu'un retrouve la photo du. Tu m'as coupé la fils de pute. Ouais, je t'ai coupé, excuse-moi. Ça commence, putain, ça commence. Ensuite, les mamans. Ça commence déjà. Ils te gardent, si tu les écoutes, je plaisante. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Nelson et Romain sont frères. Voilà, non, je voudrais juste. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est ce que je voudrais qu'on coupe quand même, c'est sur la. Ça s'entendait pas, mais je l'ai dit au pluriel. C'est toutes les mamans de tous les autres. Fils avec deux S. Voilà. D'accord. Au moins, comme ça, on est tout le monde d'accord. Les hommes, les femmes, les mais quand tu regardes la. S'il te plaît. Quand tu regardes la. Donc la couverture de Playgirl, quand même dedans, j'ai relu le truc, c'est que tu peux retrouver la photo, il y a quand même marqué les 13 mecs les plus sexy du métal, et dedans il y a Meat Puppets, il y a Danzig, enfin il y a vraiment... C'est qui les autres en vrai? C'est qui les autres? On fera une émission là-dessus. On fera une émission sur les mecs les plus sexy du métal. The Hottest Guy in Metal World. En 2018, il y a la tête Théo. C'est qui? C'est le batteur de Black Scoon. Ah bah on fait un peu de pub, on fait un peu de pub. Bon bref. Je suis le monde qui joue demain à l'Olympique avec Stevie de karaté. Alors, le lendemain, le jour où on enregistre le podcast. Hein, oui, voilà, c'est ça. Ne venez pas demain parce que là. C'est du direct de toute façon. C'est du direct. Hein. Tu vois, on n'a pas le droit de dire des marques. On n'a pas le droit de dire des marques. Chut, pas de marques. C'est le cas. Donc il a fait ce truc-là. Bref, il a fait ce truc-là. On s'est aperçu d'ailleurs que Peter Steele était un homme vraiment. Prodigieusement bien foutu, on va dire ça comme exactement, ça. On va les ressortir à chaque interview. Exactement, voilà. Tout le monde lui parle de cette année après. Ouais. Et donc, comme ça. Je disais avant que Romain me coupe. Oui, pardon, je voulais dire. Ouais, mais quand même, je suis vexé. Donc, je vais faire la gueule. Mais je vais le dire en faisant la gueule. Ouais, bah en fait, bah du coup, ils avaient compris quand même le truc. Négatif, que... Ouais, je suis trop négatif. Je suis un type au négatif, quoi, tu vois, comme dit Romain. T'es un type trop négatif. Tu la craches, ta Valda? Voilà, bah voilà, je dis plus rien. Raconte ton histoire. Cette blague est beaucoup trop longue. Les auditeurs t'écoutent. Non, et donc ils avaient compris quand même comment fonctionnait le monde merveilleux du marketing. C'est-à-dire que déjà, ils avaient trouvé leur image, quoi, à travers leur pochette, avec leur nom de groupe en haut à droite, toujours écrit dans l'angle, et l'album. Tu veux qu'ils avaient choisi leur typo? Ah ouais. Oh merde. Je l'ai même pas vu venir en plus. J'ai l'impression qu'il y a des blagues en plus. Et toujours avec cette pochette noire et verte, avec ses tons de... Noir avec ses teintes de vert. Hein, voilà, c'est ça. Avec un peu de gris, comme tu disais. Du gris. J'ai dit ça, non? T'as du gris, tout à fait. Ouais. C'est un peu gris, des fois. Il y a du gris, quand même, des fois. Comme ta chemise, Théo. Comme ma chemise, dans le pantalon. Un peu comme Théo. Théo qui est très gris. Alors Théo est torse nu, avec sa chemise ouverte dans le pantalon. Et mon tatouage Manowar sur mon torse. Voilà. Bah, c'est rêver énormément de jeunes filles. Bah, de jeunes, de vieilles, de jeunes, de vieilles, de tous les âges. Allez, on avance. On est 5 ans après la sortie du premier album. October Rust sort. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, Typo Négatif enfonce le clou. Alors là, il te défonce. Hein. Là, Typo Négatif nous sort le plus gros de leurs albums, hein, pour moi. Bah, en fait, c'est la pierre angulaire de Typo. C'est le pinacle de Typo. Ah ouais, c'est... On est vraiment sur un album. On est complètement sur autre chose par rapport aux anciens, où des chansons sont très très longues. Ça fait les anciens morceaux. Non, font... Alors, quand même très longues. Non, ça reste quand même des morceaux très efficaces quand même. Il y a toujours ces petites interludes de la première. Il y a toujours ces interludes. Il y a une anecdote d'ailleurs sur. Il y a des gens qui ont ramené le CD au magasin parce que ils ont dit il y a un problème de fabrication parce que la première chanson c'est une piste, il se passe rien. C'est comme si t'avais mal branché ton casque. Donc c'est le début de Type Négatif avec ses intros de merde. C'est le début des intros. Mais non, mais merdiques. Attends, mais moi je trouve ça trop mignon parce qu'après cette première là, il y a un autre truc. Si c'est trop mignon parce qu'ils se présentent, ils font comme un. Je sais oui, pas, c'est vrai, ils le font. Merci d'avoir acheté trop bien. Ils le font. Alors bonjour, merci. Alors je suis machin. Ils se présentent tous les uns après les autres. Limite, ils disent ce qu'ils font dans le groupe. Et puis après ce long drone, en fait, vous dites que c'est une piste où il n'y a rien, mais c'est pas qu'il n'y a rien, il y a un drone. C'est comme si tu enregistrais un ampli de base dans lequel tu avais mal branché le jack. C'est exactement l'effet voulu. Ah bah voilà, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui ont rapporté le CD au magasin parce que c'est qu'il y a un problème de fabrication. Et non, en fait, ouais, carrément. Et c'est trop bien, ils se présentent et puis ils souhaitent à tout le monde, je me souviens, une bonne écoute du disque. Et après, voilà, ça commence direct avec I Love You to Death. This is Peter. This is Johnny. Kenny. And Josh. We just wanted to take a minute to thank you for picking up on the latest recording of October Rust. Yeah, we spent a couple of months getting high, working on it. We hope you enjoy it. Concernant les thématiques de October Rust, il y a un grand changement, c'est le Vinland. Oui. Alors, c'est une drôle de thématique, ça. En fait, c'est un des trucs pour lesquels le groupe est le plus connu, finalement. Le Vinland, c'est quoi le Vinland? Le Vinland, c'est comme tu disais tout à l'heure, donc c'est le premier nom. Ce qu'on s'est dit en off, c'est le premier nom qu'ont donné des explorateurs, alors je crois, aux terres qu'a touché, je sais plus quel explorateur viking, en Amérique du Nord, donc le premier. Christophe Ragnar, là, Colomb, dans la finalement. Série. C'est viking, ça, sans doute, ouais, ça, cette série, là, machin. Ouais. En vrai, je sais pas. Mais du coup, bon, bah, il touche terre sur l'autre côté, et donc il y a des gens, en fait, le Vinland, ça échappe un petit peu ou pas à Typo Négatif, et ça. En fait, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus célèbre grâce à eux, mais il faut savoir que c'était déjà un mouvement. Il y a des gens, en fait, qui pensent que le Vinland, c'est en fait. En fait, qu'il y a une, c'est une question raciste aussi, enfin en tout cas raciale. Raciale, on va dire ça plutôt comme ça, mais en tout cas, c'est des gens qui pensent qu'ils sont vraiment issus de ça, et que c'est une des premières peuplades américaines, donc c'est des gens qui ont la peau très, très pâle et les cheveux très noirs. Ça vous rappelle forcément tous les membres de Typo, en tout cas surtout Peter Steele, qui se réclament de ça. Donc en fait, et le Vinland, c'est que, enfin, il y a plein de fans de Typo Négatif qui arborent non pas un patch où ce serait marqué Typo Négatif, mais le drapeau du Vinland qui ressemble un peu à un drapeau norvégien, sauf qu'en fait, à la place du rouge, c'est du vert, voilà, c'est ça, et c'est du noir, la croix intérieure, je crois, quelque chose comme ça. Donc des couleurs en fait qui sont utilisées par Typo Négatif partout. Sur les concerts de Typo Négatif. Voilà, c'est ça. Donc en fait le Vinland c'est ce truc là et donc dans cet album en fait ils en parlent un petit peu plus. Faut savoir que le mouvement du Vinland c'est pas que Typo en fait, et il y a des gens qui sont un petit peu apparentés à des nationalistes ou en tout cas des racialistes, je crois qu'on dit comme ça, qui s'intéressent à certains. Ça vire toujours du mauvais côté. Voilà, c'est ça. Donc quand on parlait des polémiques avec l'extrême droite de ce bon vieux Peter Steele, on peut se poser la question juste si c'est pas, enfin voilà, entre ce désir de marketing, de surfer sur des trucs polémiques, que ce soit posé à poil ou avoir des accointances nationalistes un peu dures. Et en même temps faire la rockstar Après c'est un album qui parle de paganisme où il y a une chanson qui s'appelle Green Man, une figure de Wicca, voilà, qui est plus développée aux États-Unis, quoi. Est-ce qu'il n'a pas essayé plus loin de faire du paganisme américain, en fait, vampire, avec ça, tu vois, qui est à New York, essayer de prendre un peu de paganisme, peut-être que le côté nature, parce qu'en fait il travaillait en fait pour un... Bah ouais, il a travaillé en tant que... Il était employé municipal en 1994 dans des parcs à New York, en fait. Donc il a toujours eu un rapport avec la nature, donc peut-être que ça c'est un concept qu'il a dû tomber sur un bouquin, ça lui a parlé, et puis voilà, il a voulu l'intégrer dans Typo Négatif. Mais le truc, c'est que je pense pas que ce que tu parlais de racialisme, etc., je suis pas sûr qu'il ait voulu intégrer ce truc-là dedans. Bah, intégrer, qu'il l'ait voulu l'intégrer. Non, mais même, pas, que, je sais pas, mais... même si ce que tu dis, c'est, je pense qu'il y a des gens qui partagent cette avis-là, ce côté racialiste, genre oui, le Vinland, les blancs aux cheveux noirs, etc. Ah, oui, voilà, alors après, mais après, je suis pas sûr que Typo Négatif, je pense que c'est le côté un peu imaginaire, un peu romancé. C'est peut-être ça, ouais. Mais encore une fois, tu m'ôteras pas l'idée qu'il a pas fait exprès un petit peu de frayer avec des choses qui sont un peu limite. Voilà. Ah oui, tu veux dire un peu genre taper volontairement pour faire chier les gens. Pour moi, c'était plus le rapport à la nature. Quand t'écoutes les intros. Tu mets même la pochette de Tubber. La pochette, c'est la première où il y a des trucs végétaux dessus. T'as des petits oiseaux qui chantent. C'est des épines. T'as des épines de rose. C'est un peu calme. D'ailleurs. Déjà tu le sens, enfin je me rappelle la première fois que je l'ai écouté, je me sentais déjà dans un parc, dans Zelda à limite. Hein. Ok, ouais. Ah, dans le retour, le village des coquilleries, tu vois. Ouais. Bah moi c'est vrai que bon, moi je... Bon, Link, bon, il... Moi ça fait penser à Poison Ivy. Link, moi, il est derrière tout ça. C'est pensé à ça, quoi. L'album en règle générale il est plus plombé que les précédents, non, vous trouvez pas? Le tempo est encore plus lent. Il est plus. Alors je pense que c'est un truc que tu vas garder pour le prochain album dont on va parler. Je sais, mais en fait, c'est pire à chaque album. Mais en fait, c'est mais pas. Petit, c'est pas sûr. Mais pour moi, il est très mélancolique, très. Bah, c'est qu'ils lâchent un petit peu leur côté, leur passé trash hardcore. Ça s'entend moins, en fait. Ça commence à être mangé par leur autre côté doom. En fait, tu vois, c'est une sorte de lente évolution, quoi. C'est ça, en fait, c'est plus cohérent dans le tempo, mais c'est plus varié dans les ambiances encore que le précédent aussi. Complètement. Et c'est là que ça les fait entrer un palier supérieur, sans doute. C'est ce que j'avais moins aimé à l'époque dans Blood Kisses, il y avait trop de passages un peu punk hardcore, que finalement... Qui casse le reste, en fait, mais volontairement, quoi. Justement, dans Trevor Rust, il n'y a pas ça. Non. C'est pas cassé, il y a vraiment une fluidité dans les chansons. Et notre thématique qui est super importante, quoi. C'est tu regardes la majorité des titres, en fait, ils sont dédiés aux femmes qui ont traversé la vie, en fait, de Peter Steele. Et My Judas, par exemple. Be My Judas, Love You to Death. La jouissance. Après, plus léger, il y a My Girlfriend. Ouais, oui. Il y a une chanson sur Bacchus aussi. Ouais, In Praise of Bacchus. C'est la classe, cette chanson. Et Cinnamon Girl, hein, pour finir la citation. Vas-y. Et ça définit aussi largement. Enfin, ça contribue largement au fait qu'on ait qualifié Typo Négatif de groupe un peu gothique, quoi. Parce que c'est des thématiques qui s'approchent. C'est-à-dire l'abandon de soi, en fait, pour l'être aimé, etc. Ça montre à quel point ce mec, c'est un excessif. Et, Et c'est émotions, beau. Ouais. C'est beau, quoi. C'est beau et sombre. C'est beau, sombre et sensuel, encore une fois. Alors là, on va passer à un autre niveau. On va passer en 99. Et bim! World Coming Down. Alors, il y a des albums, enfin il y a des groupes, pardon, qui ont des albums de la maturité. Là, c'est l'album de la dépression. Alors là, ouais. Peter, il va super mal. Enfin, c'est 3 ans après, ouais. C'est 3 ans après, on est vraiment dans le bad total. Alors pourquoi il va mal ? Alors pourquoi il va mal ? Pourquoi il va mal ? Pourquoi va-t-il mal ? Bah oui. Peter commence à perdre des membres de sa famille. il a perdu son oncle, il en parle dans un des morceaux de l'album. Il est vraiment au plus bas, quoi. Alors, on regarde déjà la pochette. Alors, personnellement, la pochette, la première fois que je l'ai vue, j'ai eu un sentiment d'apocalypse. World Coming Down. Tu sens vraiment, genre, bon, le monde va au plus bas. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on voit sur la pochette. Et ce qu'on voit sur la pochette. De la pochette, c'est assez équivoque. Déjà, c'est assez, voilà, déjà, c'est assez explicite, surtout. Et en fait, tu vois quand même le pont de Brooklyn, donc. Alors, on cherchait le nom tout à l'heure, je sais pas si quelqu'un l'a trouvé. C'est un pont à New York. C'est un pont à New York. C'est pas le pont d'Alfortville ? Putain, alors, ah, mais c'est qui ressemble à ça en plus ? C'est presque le même. C'est presque le même. J'ai passé un erreur tout à l'heure, j'ai fait. C'est presque le même. Toujours en vert, évidemment. Bon, bref, cette pochette est apocalyptique pour moi. War Coming Down, le premier morceau est tellement lourd, d'une lourdeur sans nom. Là, on est sur du Doom. Doom, mais au sens propre du terme. Là on est au fond du bol de céréales, tu vois. On est en 99 quand même. C'est pas le bol de céréales, hein, c'est juste le bol de céréales. On est prêt, bug de l'an 2000, la fin du monde est proche. Hein. Ouais, et juste avant ça d'ailleurs, Yann, tu nous parlais de ce documentaire avec Pantera, enfin en tout cas tu évoquais leur tournée avec Pantera. Oui. Et je crois que c'est un documentaire qui est sorti en 98 ou 99, justement, juste avant ça, et vous évoquiez vite fait la dépression, la drogue, etc. Et ce film, moi, il m'a vraiment fait penser au film de Pantera, je crois que c'est Three Vulgar Videos, oui, from Hell. De toute façon, on les voit dans les voilà, on les voit, ils tournent ensemble, c'est vraiment la même déglingue, ouais. C'est la même façon de faire un humour qui va au bout de l'humour totalement, parce que ça fait des mois, voire des années que tu passes des tournées avec les quatre mêmes mecs. Et donc du coup, bah, au bout d'un moment, tu n'en peux plus. Tu feras le même effet qu'on même les fait drogues, même, voilà, exactement. Ouais. Même les drogues suffisent plus. Ouais, non mais Dave Lombardo va prendre la place à un moment. On fera ça dans une chambre d'hôtel, on détruira tout, nous aussi. Non mais c'est drôle, parce que Taipo, ils font de la musique. Il y aura Vargas Garnes qui prend sa place. T'as l'impression que Taipo, ils font de la musique moins bas du front que Pantera, mais plus profond, plus voilà, plus ouais, sérieux, mais dans ce documentaire, ça leur donne un côté. Dans la vie, ils ont les mêmes délires. Ils ont la même envie de se mettre la tronche comme des rockers débiles. Et c'est des gamins. Et en même temps, dans le documentaire, à un moment, t'en vois un avec son gosse et il a l'air extrêmement amoureux de sa vie de famille. C'est voilà. Le guitariste que tu vois pendant tout le film, justement, qui a l'air complètement taré et tout. Qui est avec son petit gamin. Voilà, et sa femme, ils ont l'air d'avoir une vie parfaitement normale. C'est très mignon. Trop mignonne, ouais, c'est le passage trop mignon, alors que tout le reste, ce n'est que des blagues, mais. Je veux même pas en parler. Ouais, grave. Il a toujours pas chié. C'est le running gag qui est parfait. Enfin bref, et du coup, ça donne un côté hyper humain, rigolo au groupe. Juste avant ce World Coming Down, donc on les sent un petit peu plus. Hein, là, c'est. Peter, de toute façon, il faut dire que. Ouais, faut dire que c'est Peter. Typo, c'est Peter Steele. Donc si tu veux demander comment il va, Peter, tu écoutes un album. Oui. Tu verras comment ça se passe. Tu te mets à jour. Là, tu te mets à jour sur sa vie. C'est à peu près comment il en était en 99. Bah, Panda, t'as un mot à dire sur World Coming Down ? Bah, je comprends qu'il soit dépressif. Vivre à Alfortville, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile, évidemment. C'est vrai. Non, c'est l'un des albums que j'ai pas trop écouté. Finalement, j'ai tout écouté dans l'ordre. Et, et à certains moments de ta vie, t'as pas forcément envie d'aller encore plus bas, quoi. Et c'est le genre d'album qui peut vraiment t'entraîner dans les bas-fonds. Ouais, je suis bien d'accord. Dans les premiers accords, tu fais ah. Ouais, la basse est très surdistorsionnée, super lourde. Ouais. Et tu sens sa voix, ça transpire la tristesse, quoi. On est moins dans les refrains, sensiblement, on est moins sur les refrains plutôt joyeux, gamme majeure, comme disait Théo. Là on s'enfonce, là, on est dans chaque Doom, là. À chaque kiff, on prend une pelle en fait. et on creuse les trous plus bas encore. Toujours plus bas. Le riff imagé. Moi je pense que c'est clairement l'album que je conseillerais à un Mino qui a découvert le Doom il y a pas longtemps, tu vois. En vrai, franchement. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui se rapprochera plus justement de l'aspect vraiment lourd. Enfin, pas à la Yob non plus, tu vois, mais quelque chose de vraiment très très. Je pars très loin avec Yob. Dur, profond. Ouais, et c'est clair. C'est parti. Ouais, je parle. Mais vraiment tradigé. Aussi parce qu'il y a un côté très hypnotique. Et Yob, tu vois, c'est deux groupes de groupes préférés, tu vois. Par exemple, Théo, un mec qui écoutait du Doom, ouais, parce que. Pas le même son de Doom. Non, voilà, ça ressemble pas. Ils ont tous le même son aujourd'hui dans les de Doom. Ouais, il y a beaucoup de groupes de Doom qui ont le même son. Ouais. Ne lui faites pas dire ce qu'il a pas dit. Là, il y a une voix, il y a un son. Là, on creuse vraiment des trous. Quoi. C'est clair. Oui, là, c'est vrai que là, ça pèse. Pour se mettre dedans, ouais. Avec un petit plaid et attendre que. Et puis ta femme qui t'enterre. Voilà, c'est ça. Salut chérie. Salut chérie. Bon, bah écoute, c'est l'heure de dormir. Tu vas creuser des trous dans ton jardin, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. On t'enterre toi. Tu prends même pas ton téléphone. Album que je conseille à tout le monde qui va pas bien, du coup, s'il vous plaît. Écoutez-le, écoute voilà. Coming Down. Et passez à Casto. Comme ça, la planète sera moins peuplée. Casto derrière. Ouais, en vrai, je pense que ça pourra devenir mon préféré avec le temps. Ouais, simplement parce que c'est. Je pense que c'est peut-être là où. C'est là où on a peut-être parlé plus de Doom avec Taipo, en fait, là, je pense. Mais nous on le voit bien d'un côté de métalleux aussi avec le Doom et tout, mais moi j'entends aussi des trucs à la Alice in Chains et tout quand je ouais, bah, quand ça, ouais. Complètement. Et toujours dans cet album quand même aussi. Hein. Et il y a toujours évidemment la voix de Peter Steele qui fait le job magnifiquement, c'est un chanteur en acier trempé. Ouais, on est moins dans le romantisme avec les. Oui, c'est moins romantique, c'est plus urbain d'ailleurs. Ouais. La pochette le signale ouais, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est plus urbain. On est pas dans le là, c'est moins pagan là quand même. Hein. Alors on n'est pas du tout en Vinland. On n'est plus dans le Vinland là. On est en New York 1997. La pochette déjà, tu vois. Oui, c'est vrai que ça me fait penser à ça. Bah, vaguement, c'est la pochette moi qui me fait penser à ça. Il y a un côté Carpenter dedans. Un petit côté Carpenter. Urbain. Et voilà. Et les petites interludes où bon, voilà, tu l'entends prendre un peu de neige et tout. Exactement, c'est l'interlude qui vient juste après. La chanson qui y a juste après, moi, c'est mon gros coup de cœur de l'album. Au contraire, elle s'appelle Everyone I Love Is Dead. C'est un refrain qui tue et c'est génial. Si vous pensez à tous les gens que vous aimez qui sont morts, c'est parfait ouais. Parce que ça donne le smile en fait. T'en as un truc à raconter ? Ah bah en fait sur cet album il y a surtout bah pour moi c'est un hit hein, même si c'est pas un album que j'ai forcément super apprécié mais c'est vraiment personnel c'est-à-dire que c'est une histoire de temporalité hein, c'est complètement tout. Et comme beaucoup d'albums de beaucoup de c'est la musique hein. Voilà ouais. Ça fonctionne comme ça la musique est un marqueur temporel. Exactement. Tu te le feras ta truc Kevin et Il y a Everything Dies, Everything Dies, c'est un putain d'hymne qui te rappelle à quel point tu peux être mortel. Et si t'avais besoin d'un rappel, hein, voilà. Oui. Ah oui, ah, c'est vrai, merci. Alors là, ça s'entend pas, mais Romain headbang. Il y a des pellicules partout, putain. Il y en a plein de gros là. C'est... Toute la neige dans ses cheveux. Neige, attends, neige. Qui est fait avec Sinus. Oui, voilà, ah oui, ça, oui magnifique morceau de ça s'appelle Queen. Sinus en plus le moment. Bon, bah, t'entends Peter Steele prendre... Priser son tabac. C'est, voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est un album sur lequel on a envie de parler longtemps. En vrai, on a envie de l'écouter en entier, quoi. C'est pour ça qu'on a limite. Et ben, écoutez-le en entier, c'est un très très bon album. Et oui, après, il te mettrait. C'est très sale. Hein, sauf qu'il y a quand même des chansons qui mettent le smile, moi je trouve. Oui, y a une chanson qui est singles, hyper et qui est vraiment typiquement Beatles, elle s'appelle Who Will Save the Sane. Et celle-là, elle est, au contraire, c'est, je crois que c'est la plus joyeuse de l'album. En fait. Je l'ai trouvé géniale celle-là aussi. Apparemment, c'est quand même un album qui était une sorte d'hommage aux Beatles, hein, d'après ce que j'ai cru entendre hier. D'accord. Et le refrain un peu joyeux, non, ça vient des Beatles, hein, tout ça. C'est, ouais, ouais, c'est ça. La reprise de Dave. Bah, l'harmonie, ouais, voilà. C'est, finalement, en fait, ils la refont, mais c'est comme si c'était une chanson à eux. Ouais. Si tu savais pas que c'était une reprise, tu connaissais pas Dave Cooper. Allez, je me risque à qualifier le truc, c'est du Beatles funéraire. C'est pas mal. Oui, je fais ça tirer des fois. Et c'était vraiment super tapette, quoi. Allez, on avance. Voilà. On passe au prochain album. Là, on est en 2003. Là, on va passer vers un autre typo négatif. On est sur un autre truc. On va passer à Life is Killing Me. On monte un peu la pente, mais pas trop. Hein, parce que là, on est sur un autre album, quand même. On est sur un truc très différent. La nostalgie, un peu. Une sorte d'euthasie, ouais, bien sûr. Voilà, les thèmes, c'est assez médical. Bah, surtout la pochette, qui fait penser à ça. parce que là il parle, mais décrivez la pochette, tiens. Alors la pochette, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Donc on regarde la même typo. C'est un électrocardiogramme, hein, tout simplement. Alors, on n'est pas dans Verali, hein, par contre. Là, il y a cette vanne, non, là, ça va pas. Attention, allez, si t'es un ancien joueur de PlayStation, tu vas avoir une érection. Alors, si tu aimes les jeux vidéo, on a dit qu'on le faisait plus tard, celui-là. Un podcast, pardon. Donc, non, ouais, c'est un électrocardiogramme, une pochette assez simple. Et pourquoi cette pochette, d'ailleurs? Il n'y avait pas des problèmes médicaux. C'est la première fois que Peter Steele en fait, se rend compte en fait, du système de santé de son pays. En fait, quoi. Mm. C'est-à-dire que lui, il a ses cachetons, voilà. Il a ses trucs, etc. Il a cet aspect très droitard qu'il a. Mais voilà, parfois, il se rend compte, ah, putain, mais personne peut aider mon père. Quoi, tu vois, ouais. Et son père était malade et tout. Parce que lui, il était pas malade à ce moment-là. Et il l'a mal vécu. Donc là, il s'élimine avec l'encéphalogramme pardon, qui est sur la pochette. Forcément, met en avant un peu ce qu'il pensait. Il y a ce côté très médical qui est revenu sur les thématiques de l'album. Life is killing me, la vie est en train de me tuer. Donc il y a vraiment ce côté où là on passe de la dépression de World Coming Down au fait que genre je veux tout arrêter à en fait je continue à vivre, mais en fait ça m'emmerde et j'en meurs. Une autre forme de dépression. On est sur une forme de dépression. Non, parce que ce sera important par la suite, mais on est sur un prêt. Une pré-mort de Peter Steele. Ouais, on sent Peter Steele, il est arrivé à un bout d'un truc. Là, il y pense beaucoup, ses proches, il meurt, son père, il meurt. Il est à fond sur la coke, il est très très mal. Et Life is Killing Me, dans l'interview, il avait passé à la quarantaine, il disait, là, je me sens mortel, quoi. Il avait mal et tout, etc. Quoi. Donc je pense que là, on est vraiment sur un Peter qui se pose des questions, quoi. Il se réveille, en fait. Il se réveille de toutes ces années de défonce en tournée, des albums passés, et qui se dit, il peut se passer quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il lui arrive cette histoire avec sa famille Alors c'est après. Juste après. C'est juste après. C'est l'année d'après. On pourra revenir un peu plus tard parce que je voudrais qu'on parle un peu des morceaux, de la musique un peu, parce qu'il y a un morceau qu'il a retenu, un truc qui. Moi c'est Life is Killing Me, la chanson qui m'a tué quand je l'ai. C'est à ce moment en 2007 où j'ai redécouvert Typo justement avec cet album-là. Quand Dead Again est sorti en fait. Je me suis replongé dans ce qu'ils avaient sorti et que j'avais pas écouté. Et cet album-là, je l'ai vraiment. J'ai du mal à lâcher celui-là. Qu'est-ce que tu retiens dans l'ambiance, vu que le dernier il est quand même déjà, comme on disait, vachement doux. Il était plus. Je m'ai retrouvé dans Typo, mais une chanson plus efficace, on va dire. Toujours avec les petits interludes un peu chelous. Il y a plus de changements de tempo que dans le précédent, c'est ça? Ouais, on est plus dans les formats courts. Hein, les chansons elles font moins de 12 minutes pour une fois. Ouais. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est une espèce de première synthèse en fait, je trouve, cet album-là. On est plus dans le rock'n'roll un peu. Là. C'est pas l'album Doom de Corrosion of Conformity, c'est ça? Non, mais ça ressemble au niveau des influences. Non, c'est vrai qu'en conformité, ils en parlent un peu. Panda, tu vas en parler, donc genre de. Je sais pas, ouais. Bah, conformité. Il y a un côté stoner en fait qui sort, quoi. Ça se sent complètement en fait dans la fiscaline, oui. C'était simplement ça, je vous dis. Je peux pas aller plus loin. D'accord. C'est pour ça qu'en Jeune of Conformity qui avait déjà sorti quelques albums déjà à l'époque, je crois. Mais justement, on parlait à l'époque de quand Typo avait commencé, on parlait de Cro-Mag, d'Agnostic Front et du premier Front of Conformity. Corrosion of Conformity, j'ai du mal. Mais effectivement, ouais. Ça avait du sens. Là, c'est un petit peu plus lointain quand même. Entre temps, ça fait un arc un petit peu autour de tout ça pour finalement peut-être revenir sur quelque chose de plus rock'n'roll et de plus basique. Bah, c'est ça, en fait. Les deux gros albums, Bloody Kisses, October Rest, Welcome Down, où c'est trois pans de Typo, et après on revient, on refait une espèce de synthèse avec plus d'éléments qui ont déjà existé. Hey. Alors, Dead Again sort en 2007, ça sera le dernier album de Typo. Ils changent pas de style, mais voilà, ils ont autre chose, ils ont d'autres moyens. Pourquoi ils changent déjà? il change parce qu'en fait le problème c'est que Roadrunner, là on est en 2000, en 2007, enfin on est avant 2007, le New Metal est mort, le New Metal s'est éteint, le Metal Gore commence à monter, Roadrunner a d'autres priorités sur son label. Ils changent, genre God Forbid. Ils ont surtout P.O.D. Non, c'est pas Roadrunner, c'est Devil Driver. Ils ont Devil Driver, Machine Head Explose. Ah oui, Machine Head. Là, on est dans les milieux des années 2000, ouais, c'est le metal qui crève et on arrive, on revient à des groupes avec technique où il y a du solo. On revient au metalcore, quoi. Pas forcément le profondeur, mais il y a beaucoup de tatouages et beaucoup de solo. Ah, mais oui, ils avaient même sorti une compile plus tard qui s'appelle Roadrunner United, je me souviens. Avec tout plein de groupes de metalcore qui se mélangeaient et qui faisaient des nouvelles chansons, c'était affreux. Avec un rang de typo négatif. C'était affreux, il n'y a plus rien dans cette bouteille. Mais bon, du coup, ils se barrent de Roadrunner parce que Roadrunner, ça les ouvre. Mais les soutient plus. Du coup, ils sortent un best-of. Il y a un best-of qui sort pour la fin de contrat. Dans la foulée de la FIS Killing en 2004 ou 2005. On revient un peu à ce qu'ils faisaient avant, mais avec toute l'expérience qu'ils avaient dans leur carrière en fait. Donc t'as des passages punk, t'as des passages doom, Black Sabbath. Hyper punk hein. T'as le petit single September Sun, qui est un peu mignonnet mais finalement elle est sympa. T'as Prophet of Doom. Donc là c'est l'apologie, hein, Prophet of Doom, le profil doom. Hein. Ouais. Le profil de la ruine en fait, en vrai, alors, si tu traduis. Moi j'ai l'impression que c'est des chansons très longues. Aussi, ouais. C'est des chansons très longues, il y a beaucoup de passages, voilà, punk hardcore, et ça repart avec une riff tombant. La première, comme je te disais tout à l'heure, en off, donc Romain il tient. Souvent les gens n'aiment pas cet album là. Où il est dur à écouter de prime abord en fait. Il est plus étrange, mais la première en plus vraiment elle pose quelque chose de trop bizarre où t'as vraiment l'impression que ça pourrait être une chanson de NoFX encore une fois si c'était pas le même son quoi, vraiment, enfin, franchement, ouais. Avec le riff qui commence à la base avec la batterie hyper frénétique et puis après c'est un 10 bits et tout, c'est trop du punk rock quoi. Avec la voix. Mais ça fait partie aussi de leur ADN en fait. Ouais carrément, avec la voix au perché, tu pourrais limiter des. Imaginez des chœurs derrière, des chœurs punk rock complètement. Truc comme ça quoi. Bon, une neuf. Pour moi, Dead Again, c'est l'album qui fait un retour aux sources de Typo, mais au premier album, mais mieux produit, quoi. Il y a vraiment cette impression de la boucle est bouclée. On revient, genre, comme s'ils se sont arrêtés là où ils avaient commencé, mais avec plus de moyens. Et c'est vraiment l'impression que j'ai quand j'écoute le Dead Again, c'est vraiment le... J'écoute le premier, mais voilà, c'est pas encore le chant du cygne, parce qu'on sait pas encore que... Il y a une fin tragique qui va arriver derrière, mais j'ai ce sentiment-là, quoi. Sentiment d'un album. Ouais, parce qu'on revient un peu. Une sorte de legacy, quoi. Ouais. Mais après, dedans, il y a le chant féminin, il y a un peu de clavier, mais moins, on est moins dans le goth, on est plus dans le brut. C'est vrai qu'il n'y a plus de goth, hein, dedans. Le goth, pour moi, est simple, en fait. Il y a des riffs, toujours avec l'octaveur, là, avec la grave super grave et tout. Et tu semblais dire que c'était un album que les gens aimaient un peu moins. Bah souvent en fait, moi ce que j'ai remarqué en fait, hein, c'est un album, peu de gens en parlent en bien en fait. Et qu'est-ce qu'ils disent quand ils disent qu'ils l'aiment pas, pourquoi en fait? Bah qu'ils trouvent ça un peu chiant parce que les chansons sont longues et tout, alors qu'il faut vraiment l'écouter en entier. Tu vois, il y a moins de refrains qu'ils pouvaient avoir dans Christian Newman. Il y a moins générateur, on va dire. D'accord, je vois de classique instantané. Ouais, voilà, ouais. Là, on est plus dans la durée du riff, on est un peu dans l'apologie du riff d'ailleurs. Il est un peu plus difficile d'accès, on va dire. D'accord. Okay. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'est celui que je conseillerais le moins d'ailleurs. Ils prennent moins de drogue à cette époque-là aussi. Ah. C'est plus optimiste, on va dire. T'es en train de nous dire quand même que c'est un album un peu moins marquant que les autres, non? Non, même si tu l'aimes bien, non, toi. Musicalement, je trouve qu'il est énorme. Ok. À la gratte et tout, c'est dans les constructions, chansons et tout, ça va super loin. Il y a toujours plusieurs parties dans les chansons. Ouais. Et voilà. façon, un album avec sur sa pochette la tronche de Rasputin, je pense que c'est la seule photo qui existe de lui, un truc comme ça. Ça peut pas être nul. Hein. Alors, Rasputin, parce qu'il il a essayé de se suicider 4 fois. Donc, c'était en appel à Hoax De la fausse mort de Peter Steele juste avant. Ouais. Voilà, ouais. Et Josh qui nous confirmait tout ça. Bon, après tout ça, Typo Negative part en tournée. Peter Steele trouve le temps de reformer Carnivore pour quelques temps. Malheureusement, la blague n'est plus une blague. Hein. Peter Steele meurt le 14 avril 2010 d'une crise cardiaque. Voilà. Le mythe s'éteint, le groupe s'éteint d'ailleurs. C'est à ce moment-là où en fait, parce que pour les membres du groupe, c'était Peter Steele, donc il n'y a pas de suite possible. Il n'y a pas de suite en fait. Possible. Si Peter il est mort, on arrête tout de suite le groupe. Hein. Ça c'était. C'est lui le groupe qui pensait les paroles, les pochettes. Oui, l'orientation du groupe, c'était lui donc. Alors j'ai entendu dire qu'Anselmo voulait se mettre à sa place, mais non, je déconne. Le mec il veut aller partout. Anselmo veut monter tous les groupes, il veut remonter tous les groupes. Mais oui, il est partout. Le mec il est partout. Mais en même temps, Anselmo il a une voix qui pourrait s'y prêter presque. Oui, il y a 10 ans. Ouais, non, mais regarde, il a toujours une voix très grave. Écoute, t'écoutes Secours, son groupe de Black, pardon. Je l'ai pas écouté ça, j'ai pas osé. Ah putain, faut le mettre après. C'est vrai, c'est bien. J'ai pas osé très cool. Bah franchement, je suis intéressé. On mettra. Qu'est-ce qui va rester de Typo, les membres, où est-ce qu'ils vont partir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qui va rester de Typo? Typo est enterré avec Peter. Avec Peter, mais que deviendront les. Les membres. Les trois restants, bah écoute, comme je disais pas avant, Kenny, gratuit, il a formé Seventh Void, un truc un peu hard rock, il avait commencé déjà pendant Typo avec Johnny Kelly, un truc un peu plus hard rock, stoner, sympa, qui était produit par le batteur de Pantera, Vinny Paul, ouais, voilà, qui était sympa, hein, forcément, mais... En plus, et par la suite, il y a eu a pale horse. C'est mieux que Elie ou pas? C'est mieux que Elie. Non, mais c'est mieux que. Non, mais. Il y a moins de barbecue. Non, mais c'est. Ça mieux sent moins que la saucisse, ou pas? Il y a moins de barbecue. Ouais, mais Elie, même avec les barbecues, c'est pas. Est-ce que t'as déjà fait un barbecue? Bien, hein, est-ce que j'ai jamais. Non, bah, j'ai jamais fait de barbecue avec Vinny Paul. Attends, un barbecue avec Vinny Paul, moi je dis oui. T'as déjà fait un barbecue avec non, lui? Non, jamais, j'ai envie de le faire. J'aimerais faire un barbecue avec lui. Ouais, c'est pas obligé, mais bon. Et une balade une balade bien redneck. Une balade nocturne. Avec des fusils à pompe. Et avec les mecs de la NRA derrière. Hein. Qui vérifient que t'as bien mis des vraies cartouches dans ton fusil. T'as des vraies merguez dans ton fusil à pompe. Horse Name Death avec le premier batteur de Typo qui fait la gratte et le chant dans le plat et le batteur de Typo qui est un espèce de Alice in Chains Typo mais en plus léger on va dire. Ça ressemble un peu à Typo quand même alors. C'est des ambiances, le vert tu vas le ressentir. Est-ce que carrément tu pourrais genre le conseiller à des gens qui espèrent la mort de Peter Steele et qui aimeraient plus de Typo? Ouais, pourquoi pas, mais après ouais. Faut pas s'attendre à du... Ouais, ils ont fait deux albums assez bons, mais on tend plus vers Alice in Chains avec des. Parce que les paroles, ça parle de drogue. Les paroles, c'est quoi? J'ai pris le train de la drogue. Ouais. Le train s'arrête jamais, machin. C'est d'accord. C'est ça que je voulais dire par rapport à sa typo négative, c'est que quel héritage ils ont laissé? Est-ce que vous avez des groupes dans tout ce que vous écoutez, parce qu'on écoute beaucoup de genres et de métal différents, ouais. Est-ce que vous avez retrouvé dans le métal que vous écoutez aujourd'hui des influences? Alors, de Taipo. Moi, je parlerai pas forcément d'influence, parce que ce qui est... Enfin, si, il y en a, bon, forcément. Mais je parlerai d'influence que eux ils ont eu auparavant. Et comme j'ai connu Taipo sur le tard, moi, ça m'a fait penser quand même vachement à Sister of Mercy. Voilà. Ah oui, mais ça, c'est un groupe... C'est un groupe intérieur. Mais justement, tu sais, quand... Non, c'est bien de répondre à des questions. Ouais, ouais, c'est bien. Mais quand on parle d'influence, il y a aussi ceux qui ont eu... Mais parce que... arrête. Non, mais le truc, c'est qu'on parle d'influence, c'est pas ça. C'est quand t'as la curiosité d'écouter un groupe comme celui-ci, t'as aussi la curiosité de savoir, en fait, ce qui aurait pu les influencer. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. J'aime bien fouiller un peu le passé, quoi. En vrai. Et souffler un petit peu sur les disques poussiéreux et ressortir un peu de... En vrai, on peut parler de l'héritage de Taipo avant, mais se poser la question avant, à l'aune de toute la discographie qu'on vient de juger là comme ça et ouais, dire comment c'était, on a fait les paris bon bah, le bon temps d'avance c'est quand même vachement bien et ben en fait tout à l'heure on parlait donc ils disent qu'ils sont influencés par les Beatles et Black Sabbath, mais c'est clair qu'on a vu il y a pas d'autres d'influence à chaque fois, c'est Beatles, Black Sabbath, ça... Oui, mais il y a des tas d'autres choses qui sont... la raison Fandal et Sister of Mercy c'est cohérent par exemple, sensible, mais voilà, après ils se cohérent aux yeux bien sûr quand mais c'est jamais dit en fait. Mais t'as pas besoin de le dire, c'est pas ça. C'est toi avec ta déduction et puis ta culture musicale, tu peux dire ça. C'est avec le recul, oui. Voilà. Donc tu peux enchaîner avec d'autres groupes, quoi. On parlait des Cocteau Twins à un moment, non? Oui. C'est quelqu'un sur Facebook qui m'a fait qui m'a parlé de ça. Ah, c'était ça. Mais en vrai, c'est vrai que j'aurais pas remarqué tout ça. Mais quelqu'un m'a fait penser au fait qu'en fait, on pense souvent à Taipo Négative, on pense souvent au goth, voire à l'indus, en tout cas au métal, au doom, etc. Et cette personne me faisait remarquer que ça lui faisait penser, en tout cas, plus à des choses, à de la dream pop, quoi, quasiment. Type négatif ? Oui ? Oui, non, mais si, alors attends, si, vraiment, fais pas cette tête, parce qu'en vrai, si, tout simplement, il y a un truc sur lequel je suis vraiment d'accord avec lui. Déjà, harmoniquement, avec le fait que ce soit beaucoup de majeurs comme ça, les chansons très étirées. Et aussi une chose toute bête, mais avec la basse qui a cette saturation tout le temps, oui, en fait, il y a aussi, toujours une note saturée. Et en fait, Taipo Négatif, c'est ça aussi, c'est cette grande mélasse verte de son qui fait que tout est lié en fait. Et je sais pas, enfin bon, évidemment, ils te mettent dans le crâne aussi des références visuelles, mais même quand tu l'écoutes, c'est quand même tout très, très lié, alors même qu'ils ont des choses, comme on disait, ils sont très polyvalents. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. moi j'ai envie de continuer sur ce que dit Théo en fait quand il parlait du son etc, tu parlais aussi donc de l'atmosphère avec tes bras qui s'est éloigné de ton corps comme si tu étais un patron d'ailleurs parce qu'il est en train de voler. Reviens là toi Théo. Et en fait dans le clavier enfin t'as aussi des sons qui sont très 80s quoi ça fait il y a un côté très kitsch quoi, mais ils sont très bien amenés, ça fait pas kitsch finalement quoi, parce qu'au milieu de la chanson tu sais tu les prends tout seul, t'as l'impression que c'est pas Band to Be Alive quoi, c'est pas des trucs très kitschounets quoi, ça ressemble un peu en fait quand c'est kitsch comme ça. Fume pas. Sur la question d'héritage, moi il y a un seul groupe en fait qui me vient à l'esprit que je trouve aussi un peu unique parce que c'est tout simple en fait, je sais pas où le ranger dans mes disques parce que ça je l'ai en vrai. Et c'est un disque particulier parce que j'ai pas suivi la suite, mais c'est connu comme sous le nom de Grave Pleasures aujourd'hui. Et moi j'ai écouté ça sous le nom de Beast Milk quand c'était sorti. Ils sont passés une ou deux fois en concert où moi j'ai pu les voir avec toi Nelson aussi d'ailleurs je pense. Et en fait j'aimais beaucoup quand c'était sorti. En fait en écoutant Taipo Négative là je me suis vraiment rendu compte que ça venait vraiment de là. Beast Milk c'est à mon avis le groupe qui ressemble le plus aujourd'hui et enfin en tout cas l'album qu'ils avaient sorti parce que le reste j'ai pas trop suivi. Mais parce que t'as ce côté à la fois post-punk et goth et aussi un peu métal quand même faut bien le dire. En tout cas, c'est des métallos qui font du post-punk, c'est des métallos qui font du goth, quelque chose comme ça, et c'est exactement ce qui arrive à Taipo Négatif, à mon avis. Donc, c'est là l'héritage, à mon avis. Beast Milk, ça n'existerait pas si Taipo Négatif, c'était pas. Ça n'existait pas, voilà. Ok. Moi, pour moi, je vois pas clairement d'héritage. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nelson. Je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun héritage. J'ai vraiment l'impression que Taipo Négatif existe à son niveau. La voix, après, bon, les riffs, on peut le ressentir. On m'avait fait écouter une reprise de goth. obscur français, je crois d'ailleurs. Ça ressemblait un peu, mais bon, c'était pas. Et non. Pour moi, y a pas. Ça s'appelle comment le groupe? Je sais plus. Ok. Après, faut aussi le dire. Le groupe s'appelle, non, je sais plus. Pour moi, y a pas. C'était de, groupe, c'était de la merde. C'est de la merde. Merde. À titre perso, j'écoute pas, comment on appelle, de musique gothique. Donc, je peux pas te dire ce qu'il y a comme ça, qui serait un peu comme ça et tout, et qui est cool en ce moment. Mais j'ai l'impression quand même, il y a un truc qui manque à Typo Négatif, que beaucoup de groupes ont maintenant, c'est des trucs plus électroniques en fait. Ouais, voilà. D'accord. Dans le goth post-punk d'aujourd'hui, voilà, on est plus dans l'efficacité, le fan. Tu connais mieux que moi, je pense, mais. Je sais pas si tu vois tout ça. Voilà. Pour moi, je ressens pas de Typo. Ouais, après, peut-être Paradise Lost, qui est toujours là, mais bon. Mais Paradise Lost existait. Avant. Oui, c'est contemporain de Paradise, de Typo, par contre. Mais c'est vrai qu'ils étaient forcément dans le même panier à l'époque. Mais et puis là, tu sais, vous parliez en fait de sons un peu plus électroniques et tout, quoi. Tu sais, t'as Life is Killing Me qui est sorti en 2003. Et en 2002, je crois que c'est Symbol of Life. Un truc comme ça. Oui, Paradise Lost. Exact. Et là-dedans, t'as vraiment. Vraiment un. Symbol of Life de qui de Paradise Lost. Ouais, mais là, on est plus dans les formats. Efficace, tu vois. Ouais, mais t'as vraiment un côté électro, tu sais, le synthé il est beaucoup plus, plus marqué EDM, quoi, tu vois. EDM. Ah oui, d'accord, non, mais c'est bien. Ouais. Mais c'est vrai, ça a fait. Ouais. Et comme quoi, en fait, Paradise Lost, eux, ils ont fait vraiment un grand écart, quoi, sur. Tu sais, quand t'écoutes le début de leur discographie, et puis bah, rien qu'en 2002, tu fais ah ouais, j'ai pas l'impression d'écouter le même groupe, quoi. Alors que tu vois, bah, c'est ça aussi, Typo, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est garder en fait leur identité tout du long, quoi. Ils l'ont digéré, ils l'ont conservé et puis ils l'ont fait muter en fait, quoi. C'était une mutation. Ouais, c'est ça. Pour moi, il fallait que ça s'arrête. Tu vois, c'est. Par exemple, c'est un groupe qui a enchaîné des albums tous les deux ans. C'est bien, c'est bien. Qui s'est cherché aussi. One Second, c'est un album où tu savais plus d'années. C'est bien de se chercher, à part quand tu t'appelles In Flames, quoi. C'est pas gentil, on ne tire pas sur l'ambulance. Oh pétard, mais c'est méchant. Ben, Inflames, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Juste le petit mot de la fin sur Inflames. C'est depuis le début, on l'a dit, ces mecs-là, ils sont arrivés, ils étaient inclassables. Et ils sont repartis, ils le sont toujours. Ils sont restés inclassables. Ouais, ils sont inclassables. Ils ont leur son à eux, et puis c'est très bien comme ça. Et c'est pour ça que c'est de la merde. Great thing about touring, that I learned this shit everywhere. Ok, est-ce que vous avez un album préféré? Un morceau, n'importe quoi, un truc que vous voulez conseiller à quelqu'un. Qui c'est qui a pété? Vous parlez à quelqu'un, c'est pas moi. Et il y a quelqu'un qui. Vous parlez à quelqu'un, vous voulez parler de Typo, vous lui conseillez quoi? Bah pour moi c'est October Rust. Après c'est mon premier album que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Je rejoins Nelson. Donc ça reste October Rust quoi. C'est mais vraiment votre album. Pour moi ouais, c'est October Rust. October Rust c'est l'album à écouter. Bah il est plein de tubes quoi, c'est sûr. Moi je vais pinailler parce que j'aime bien pinailler. Je suis d'accord. C'est un peu l'album vraiment un peu parfait. Il remplit toutes les cases de Typo que tout le monde aime. Le bingo Typo. Il est excellent, il est polyvalent, surtout c'est ça que j'adore dans cet album aussi. C'est vraiment ça va partout. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure quand on abordait cet album de 99 World Coming Down, si quelqu'un me demande quoi écouter dans Typo Négatif, il y a des chances que ce soit quelqu'un qui soit intéressé par le métal et des chances qu'il ait déjà écouté du Doom. Moi je lui conseille celui-là. En lui disant, écoute du bon Doom qui sort avant les années 2010, de tous les trucs que t'as trouvé trop cool, les années 2000 et tout. Ouais, ça va prendre une grosse claque, mon gars, bien les 90, ça va te faire penser à la fois à du post-grunge et aussi. On va revenir au basique. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est basique simplement. Ouais, quoi. Et là, on est aussi dans mon travers, c'est qu'on parlait d'harmonie tout à l'heure. Alors, c'est pas que de l'ampli, c'est pas que du. Ouais, j'ai un putain de mur de son derrière et je fais trois accords et il y a du chant. Non, c'est ça, exactement. Là, tu vas avoir du Doom quand même plus intéressant que 90% des sorties d'aujourd'hui. En fait, un Doom, et c'est horrible de dire ça, mais j'assume totalement. Et c'est hyper bien et c'est tout ce que j'avais à dire sur ce talk. Et si je voulais troller, je dirais que les deux premiers carnivores aussi, enfin les deux carnivores, il faut les écouter, ils sont absolument géniaux, mais il faut les écouter quand on veut écouter du trash. La prochaine fois, on parlera de quoi? De Burzum. De Burzum. On parlera sur Burzum, le projet de sur Burzum. Varguné, ses frasques. Sur Varg, etc. Il y a beaucoup. Ah, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de trucs à dire. Exactement. Je pense que Marc Bonnet, là, il s'est On le fera venir pour le podcast. En tout cas, merci d'être venu. Et en tout cas, n'oubliez pas, le métal, c'est de la merde.